بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدينة أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع ثارهم اكتفى. ما بعد، إن شاء الله ندخل في الدرس التاسع. Le cours, Inch'Allah, le thème du cours, ça va être sur un na't, c'est-à-dire la chose qui va qualifier le mot. On a vu le khabar. Il y a certaines choses que tu peux utiliser dans l'arabe pour apporter un qualificatif ou un caractère ou bien une information. On a vu le khabar. Et là, on va voir un na't. On va voir un na't. Le na't qui est l'adjectif qualificatif en français. Elle est pour qualifier une chose. Et la farq qu'on va voir entre les deux, Inch'Allah, comme on va le voir, le neuf. C'est que le na't, on peut se passer de lui, tandis que le khabar, tu ne peux pas te passer de lui. Et la différence qu'il va y avoir entre les deux, c'est ça. Le na't, tu peux te passer de lui, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif, tu peux te passer de lui. Amma le khabar, c'est impossible que tu te passes de lui. La grosse différence qu'il y a entre les deux. Et c'est une phrase qui vient, si tu ramènes une phrase avec un mubtada et avec un na't, la phrase elle sera incomplète. قال الدرس التاسع قال من هذا الرجل هو عباس. الان si jamais j'aurais dit من هذا je me serais suffi de ça. يكفي من هذا. تمام. Le fait que tu rajoutes là من هذا الرجل, on sait que ça c'est un suppléant. تمام. On va le voir, ça c'est une autre chose. C'est pas un sifat, mais ça s'appelle un badal. C'est une chose qui un badal. Badal, une chose que tu peux remplacer. Tamam. قال هو عباس. قال عباس تاجر. هو عباس. Il est le mubtada ou le khabar? هو عباس. مبتدا. تمام. مبتدا. ليش؟ لأنه هو. Pourquoi c'est مبتدا؟ يعني هكذا. ايوه. Comment tu sais que c'est un ism? Là, parce qu'on a un kata, la kina n'a pas amené la alam. La kina, c'est un inshallah, on laisse pour plus tard. Houa, il y a la kulhaz, un ism. Prenez le hakata, tamam. Et kata, le kata, le plus important, c'est que l'information tourne sur lui. Et là, on a dénommé cette personne-là en disant qu'il est Abbas. Sur qui? Houa. Tamam, Houa. Tamam. Ou Abbas, c'est El Khabar. Et pourquoi, Yani? On a dit Mubtada wa Khabar, parce qu'on s'est suffi de ces deux éléments-là pour dire que la phrase, elle est complète. Houa, Abbas, Mufid. Est-ce que Tartaj est là? Tu as besoin d'une autre chose, Yani, pour comprendre? Non. Yakfi. Une chose qui va venir, si elle est suppléante, Yani, mais tu auras compris à la base la phrase. Houa, Abbas. Et celui-là, c'est Abbas. Tamam? Non, tu peux remplacer directement par. Tu peux pas mettre la. Fi, Houa. Tu vois, tu peux pas rentrer. Tu peux pas mettre ta. Tu peux faire une phrase. Fi, Houa. Le fait que le fi rentre dans le hi et dans le ha, parce qu'on va voir comme ça. Ça, c'est un damer qui monte facile. Mais on avait déjà vu, tu vois. Donc le fait qu'on dise Abbas, c'est une information qui est complète. Donc ça commence pas par un verbe, donc ça commence par un nom. Donc ça peut être qu'une phrase nominale. Donc mubtada wa khabar. Qala Abbasun tajirun. Qu'est-ce que c'est? Abbasun tajirun. C'est quoi? Mubtada wa khabar. عباس تاجر La salakha se suffit ? Elle est complète ? Abbasun tajran. Chouf. Abbasun tajran ghaniyun. Al-an, une chose nouvelle. Abbasun tajran ghaniyun. Il nous a rapporté deux informations. Que c'est un commerçant et de plus, il est quelqu'un de riche. Tamam ? On va le voir, inshallah. Ça, le deuxième qui est venu, ça s'appelle an-na'at. L'adjectif qualificatif. Parce que, comme tu peux le voir, tu peux l'enlever. Abbasun tajran. Tamam ? Ou même, hatta ba'd al-ahyan, ça peut être mubabash. Tu as ramené deux khabar sur lui. Tu as ramené un khabar qu'il est tajir et un khabar qu'il est riche. Parce qu'à partir du moment où si jamais t'en F1, l'an, c'est deux khabar. Comme on l'a dit, les khabar, tu peux en avoir plusieurs. Là, c'est min bab hada. Abbasun tajirun ghaniyun. Tu peux dire Abbasun ghaniyun et tu peux dire Abbas tajirun. Sah? Qala hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Aussi, ça peut être mimbab de khabar ou bien c'est un an'at. Qala hadha ma hadha? Qala hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun lazizatun. At-tuffahu fakihatun lazizatun. Azoubi, chez moi. Qala ma zalika? Vous comprenez tout, hein? Fakiha, c'est le fruit. At-tuffahu fakihatun lazizatun, c'est un fruit délicieux. At-tuffah, c'est la pomme. La pomme est un fruit délicieux. Qala dhalika usfurun, c'est un moineau. Tamam. Al-usfurun ta'irun saghirun. Tamam. Al-usfur ta'irun saghirun, il dit le moineau c'est un petit oiseau. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. La langue arabe, l'arabe est une langue simple, est une langue qui est simple. Ça va ici. العربية لغة جميلة. La langue arabe est une belle langue. عمار طالب مجتهد. عمار est un élève sérieux, يعني qui font des efforts. محمود طالب كسلان. محمود est quelqu'un de paresseux. C'est un طالب qui est paresseux. من أنت? Qui es-tu? أنا طالب. Je suis un étudiant. Et أنت طالب جديد. Est-ce que tu es un nouvel élève? قال نعم أنا طالب جديد. الأص سكسلانون لكن لماذا هنا والله بقى بس كي ينتو برضو فيكم وصف كيس فيني بقى بك ألف ونون سبحان الله تنوين تو وصف تو كاراتريسي كيس فيني بقى ألف ونون سبحان الله تنوين تام إذن dans cette kalima ou plutôt dans ce dors là dans le texte il y a deux nouveaux trucs تمام la première c'est que le khabar comme on a pu le voir c'est la chose par laquelle se complète l'information avec le muhtada. Donc toute chose qui se complète, qui complète une information avec le muqtada, il s'appelle muqtada ou khabar. Et le khabar, comme on peut voir, il peut être yani, multiple. C'est pas forcément, tu peux apporter l'information sur quelqu'un, il y a une seule information. Tu peux en apporter deux, trois, plusieurs, comme c'est le cas ici. Comment tu reconnais ça? Si jamais tu l'enlèves, si jamais ça donne un sens incomplet à la phrase, tamam, ça peut pas être, yani, c'est un khabar que ça risque de venir enlever. Là, je dis, Abbasun tajirun. Je me suffis de ça. John Verani. Tamam? John Verani, ici, là. Le fait que John Verani, est-ce que ça a importé comment s'appelle la phrase, elle est devenue insensée, on la comprend pas? Abbasun tajirun. Hein? Elle est compris ou pas? La phrase. Abbasun tajirun. Abbas est un commerçant. C'est compris ou pas? Si je dis Abbasun tajirun. Ou bien, la personne va demander une information encore. Faut répondre. Non, ça suffit. Ça suffit. Tu dis Abbas tajirun, fahima anna Abbas est tajir. Si jamais tu rajoutes une information en plus, Abbasun tajirun ghaniyun, khalas. Tu as apporté une information en plus. Mais cette information-là que tu as rapportée en plus, si jamais tu la supprimes, ça ne va pas donner un sens incomplet à la phrase. Ça s'appelle quoi? An-na'at. Il peut être aussi bimarna huna al-khabar. Kazalika. Anna Abbasun tajirun ghaniyun. Tu as apporté deux informations. Tu as apporté deux informations. Mais là, le bab, là, c'est quoi? Mimbab al-barthofikum. Al-na'at, c'est-à-dire l'adjectif qualificatif. C'est quoi la différence avec le sifat alors? Na'at, sifat, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ah ouais? Na'at ou sifat? Ou sifat, c'est a'am. Parce que sifat, ça peut rentrer dedans le khabar. Attends, mais dans. Ça peut rentrer dedans le na'at. Ça peut rentrer dedans, comme vous allez voir, al-badal. Ça peut rentrer des choses qu'il y a dedans. Et sifat, c'est a'am. Ça peut rentrer dans le cas, ism al-fa'il. Ism al-maf'ul, yani fa'il. Maf'ul. مثلا الآن التفاح فاكهة لذيذة التفاح فاكهة لذيذة إلو المبتدا Elou le khabar, elou si jamais vous connaissez une autre chose. C'est quoi At-tufahu fakihatun nadidatun. Fakihatun, c'est un fruit. Fakiha. Fawaki, c'est le pluriel. At-tufahu. At-tufahu mubtada. Ah ouais. Nadida. Fakihatun. Avant. Fakihatun. Fakihatun, c'est. Une sifa. Ou nadidatun, c'est le khabar. Tam. Et donc, si jamais c'est le khabar. C'est quoi la dita? T'as dit c'est le khabar? C'est quoi t'as dit c'est le khabar? La dita c'est le khabar? La dita c'est le khabar. Si jamais la dita c'est le khabar, comme on avait dit. C'est ça. Mais pourquoi tu reviens dessus maintenant? Parce que tu peux l'enlever. Là, surtout, parce que maintenant je dis At-tuffah, la dita. Elle est moufida. Lakin, ça ne s'accorde pas en genre un nombre. Parce que tuffah c'est masculin. Et la dita c'est féminin. Ça? On avait dit parmi les règles du Mubtada wal Khabar, c'est que le Khabar doit s'accorder en genre et en nombre avec le Mubtada. Donc là, c'est pas possible que ce soit le Khabar de Tufah. Pourquoi? Parce qu'il ne s'accorde pas avec lui en genre et en nombre. Tufahu, Fakihatun, Nadidatun. Fa'idan, c'est la sifa de Fakiha. Wal Fakiha, c'est le Khabar de Tufah. C'est le Khabar de Tufah. At-Tufah, Fakihatun. At-Tufah, c'est un fruit. Fakiha, c'est le Khabar. Lakin là, tu vas me dire pourquoi Fakiha n'est pas féminin. Il n'est pas masculin. Lakin Fakiha, c'est-à-dire la chose qu'on va porter l'affirmation dessus, c'est une chose à part entière qui est féminin. Tu ne dis pas une fruit. Maintenant, je vais te dire, la cerise est un fruit. La cerise est féminin. Et pourtant, on a ramené un masculin pour la former. Le fruit là, c'est-à-dire le khabar qu'on va ramener dessus, à la kullahal, tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas dire. Fakiha. En fait, c'est pas tout le temps. De quoi? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas une exception. Parce que là, elle t'informe sur une chose. Cette chose-là que tu informes dessus, là, at-tuffah, tu peux l'informer parce que ça fait partie des fruits. T'as même at-tuffah. Lakin, le fruit, le mot fruit en arabe, c'est un mot qui est féminin. Ça ne veut pas dire que tuffah, il est féminin. Là. C'est-à-dire, l'information, tu ne peux pas. Hein. Tu ne peux pas dire at-tuffah, fa'akih. Fa'akih. Sur quoi alors? En genre et en nombre, quand il y en a, ça peut s'accorder en genre et en nombre. Là, ça ne peut pas s'accorder. C'est comme si tu dis la cerise est. Comment ça s'appelle? La cerise est un fruit. La cerise est un fruit. Tu peux dire la cerise est une fruit? Tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu peux pas. Lorsque tu peux, tu n'as pas le droit. Maintenant, Amina qa'imatun. Là, tu peux accorder en genre un nombre. Si tu dis Amina qa'im, khata. Tu prends l'information. Il faut regarder aussi ces règles-là. Parce que les deux, c'est une sifa. Lakin, le truc, c'est pour ça qu'il faut bien en prendre en compte les règles qui vont avec. La plus grosse information, c'est quoi? C'est qu'il y en a le plus gros dalil, ou le signe, c'est que le khabar, il informe sur le mubtada. C'est quoi la première information avant que ce soit? Non, parce que l'un, tu le mets en œuvre, fakiha, tu dis, elle te fait la dita. C'est pas possible, parce que tu fais, aslan, la dita, tu peux dire la dita ou la dita. Tu peux accorder en genre un nombre avec la dita. Parce que là, on la lit, on arrive à la déceler, mais après, quand nous, on devra faire les phrases. Non, non. Ah, faut accorder. Mais celle-là, là. C'est une phrase moufide. Là, c'est khata. Pourquoi? Parce que là, tu es en train. On avait dit, minal qawa'id dans le khabar al mubtada, il faut qu'il s'accorde en genre amour. Là, tu as la capacité d'accorder l'adida avec tufah qui est masculin. Et là, tu as dit, at-tufah ou l'adidatun. At-tufah l'adida. Si tu veux faire une phrase complète pour dire que la pomme elle est délicieuse, tu dis, at-tufah l'adid. Tamam. At-tufah l'adidun. Tamam. Lakin là, dans ce cas-là, si jamais tu venais à regarder, à faire une analyse grammaticale, tu pourras pas dire que la dhiza c'est le khabar. Pourquoi? Parce que, on a dit, il doit s'accorder en genre en nombre s'il a la capacité de s'accorder en genre en nombre. Là, il a la capacité de s'accorder en genre en nombre, mais pourtant, il est féminin. Donc, c'est pas possible. Il est venu, il y en a pour qualifier quoi? Le fruit qu'il est délicieux. À tout faire, c'est un fruit, et ce fruit-là, il est délicieux. C'est la sifat du fruit. Comment on va voir? Voilà, avec le fruit. Parce que fakiha, comme vous pouvez le voir, c'est, hein, avec le khabar. C'est-à-dire que là, la sifa, elle est venue sur quoi? C'est pas sur tuffah. Elle est venue sur fakiha. Sur le fakiha, tamam? Parce qu'elle s'accordait en genre et en nombre. Pareil. On va voir sifa, inshallah. C'est parmi ses règles, c'est quoi? Qu'elle s'accorde en genre et en nombre. Elle s'accorde en genre et en nombre. Masalan, al-usfur ta'irun saghirun. Al-usfur mubtada. Mubtada. Et t'as dit quoi? Ta'irun saghirun. Ta'irun mubtada saghirun sifa. C'est un sifa de ta'ir. Lakin, kadalika huna, tamam, tu peux dire que c'est deux khabar. Pourquoi tu peux, chacun des deux, tu peux les enlever. Enlève les deux. Al-usfur, صغير صحيح أم لا؟ تمام. العصفور طائر اجت تدش جيد. لكن لما تجي العصفور طائر صغير tu peux dire les deux. Tu peux dire soit يعني c'est مبتدأ طائر c'est un خبر c'est le premier خبر et justement le deuxième c'est quoi صغير c'est le deuxième خبر. Tu peux ramener ces deux là. Ou tu peux dire يعني العصفور c'est un طائر le طائر c'est comment s'appelle le خبر et صغير c'est l'adjectif de طائر. فهمتم؟ Tu peux dire ça et ça. العربية لغة سهلة. العربية مبتدأ. خبر لغة. العربية لغة سهلة. أيوة. سهلة. سهلة. سهلة. لغة. تمام. و tu peux dire كذلك les deux. اللغة سهلة. العربية سهلة. العرب هي سهلة. Donc c'est deux. Les deux, tu peux dire comme ça. À partir du moment, un des deux, ça peut faire une phrase complète avec. L'arabe est une langue, tu peux le dire. Ça. Ouais, l'arabe est une langue. Ouais. Parmi les langues. Le français est une langue. Maintenant, je te dis, al-arabiyyatu lughatun jamilatun. Ilu mubtada, ilu al-khabar, ilu la sifa, ilu kada kada. Sifat jamilatun de quoi? De lughatun. Lughatun. Wal arabiyya? L'arabiyya mubtada. Wal lugha? Est-ce que tu peux dire que Jamila c'est khabar كذلك العربية جميلة c'est pas une sifa pour tu vois ça ferait une phrase bizarre un peu le français est belle est beau ça c'est pas tu qualifies pas ça par beau la langue c'est une belle langue tu dis مثلا une belle langue à partir du moment يعني tu peux pas informer avec cela tu peux pas là ça peut être que une sifa جميلة c'est une sifa de لغة t'as vu faut faire comme ça par élimination. Tu regardes, jamais tu peux faire une phrase complète avec chacun des deux. C'est-à-dire que les deux, tu peux dire que c'est quoi? Un khabar. Tamam. À partir du moment que tu as dit que les deux, ça peut être un khabar, tamam. Ce qui vient après le mubtada, ça peut être qu'une sifa. Ce qui vient après le mubtada, c'est un khabar. Ce qui vient après le khabar, il peut être aussi une sifa. Dans les deux cas. C'est-à-dire à partir du moment où tu as deux informations sur une chose, chacune de ces choses-là. Ça peut être un khabar et ça peut être une sifa. Et voilà. Il faut voir si on peut l'enlever. Voilà. À chaque fois, regardez. La première chose, tu regardes, est-ce que jamais de chacune de ces informations, tu peux la prendre à part. Et informer le Mubtada. Si jamais tu y arrives, dis-toi bien que ces deux choses-là sont quoi? C'est un khabar. Pourquoi? Parce qu'elle complète avec le Mubtada l'information. Complète. Alors, si jamais tu as réussi, avec ces deux informations, à apporter l'information sur le khabar, ma'na zalika, c'est que aussi tu peux qualifier le troisième comme étant l'adjectif qualificatif du khabar. Al-lughatu, justement, al-arabiyyatu Mubtada. Lughatun sahlatun. Ça s'accorde. العربية سهلة يجوز العربية لغة يجوز فإذا العربية لغة عربية tu peux dire لغة عربية les deux c'est des خبر et tu peux dire كذلك لغة c'est le خبر de عربية وسهلة c'est la صفة de لغة تمام tu peux dire les deux voilà quand tu as deux solutions مثلا on revient à celui-là التفاح فاكهة لذيذة pourquoi il est féminin et l'autre il est masculin et min qawa'id al-khabar wa mubtada ce qui s'accorde en genre et en nom et là c'est pas possible donc ça nous prouve que l'aziza c'est pas le mubtada c'est pas le khabar de tuffah lakin c'est la sifa de fakiha ammar talib mujtahid ammar mubtada c'est plus facile talib khabar c'est aussi un khabar et c'est aussi une fille non. Tu peux dire Ammarun Talibun, tu peux dire Ammarun Mujtahidun. À partir du moment où tu peux dire les deux, c'est quoi? C'est que les deux, ils ont la viabilité d'être des khabar. Et c'est, si jamais tu peux dire ça, ça veut dire que, dans les cas, le troisième, il peut être une sifa de l'autre. Tamam, de Talibun. C'est une sifa de Mujtahid. Ou Mujtahid, c'est une sifa de Talib. Tam Mahmoudun Talibun Kaslanu. كذلك خبر وصفة لطالب تمام تبقى دير كمسا طالب محمود مبتدا طالب خبر أول تمام الخامس خبر كسلان دوزيام خبر أنت طالب جديد إلى المبتدا إلى الخبر إلى كذا كذا طالب وقد تفهمي المبتدا il débute la phrase non parce que non c'est un nous on parle de phrase nominale donc le harf istifham lui yani ma fiché lui c'est ça lui, il prend le, La première position dans la phrase, lorsque tu veux poser une... Parce que le but, c'est de poser la question. Si tu le mets à la fin, tu vois, c'est pas... Il est venu pour apporter l'interrogation à la phrase. Donc, c'est obligé de la remettre au début. Talibou, khabar, medid, khabar wa sifat. Fidan, Inch'Allah, un actop. Tarif. Donc, on va voir deux choses. Le premier, c'était... Et tu peux l'appeler aussi Sifa. Laquelle c'est plus connu sous le nom de Na'at. Parce que Sifa, comme on va le voir, Inch'Allah, vous allez voir, ça englobe d'autres choses. Ça englobe d'autres choses. Ism al-maf'oul, Sibat al-mushabbaha, ça. Ça entre beaucoup de choses. Al-Na'at, yani, comprenez ça comme la chose qui qualifie. Wa tabi'u lil-man'outi li bayani haqiqatihi. Donc c'est celui qui va apporter au man'out, yani, comment ça s'appelle, un éclaircissement. Man'out, c'est celui qui est qualifié. C'est le qualificatif qui suit le qualifié. Si tu veux, tu vas faire comme ça. Yani, afin d'éclaircir. Le man'out, c'est attabi'u lil man'out. Man'out. Li bayani haqiqatihi. Yani haqiqatihi, le man'out. Le ha, il retourne. Le man'out. Vous pouvez rajouter à la suite. Wa huwa fi al-jumla. هو في الجملة فضلة وهو في الجملة في الجملة فضلة en gros il est c'est un supplément dans la phrase, c'est un supplément et c'est pas vous avez un pilier dans la phrase, c'est une chose qui peut supprimer. التفاح فاكهة, j'ai pas ramené لذيذة ça. التفاح فاكهة لذيذة, si j'enlève لذيذة, est-ce que ça importe? Est-ce que ça implique une chose sur la phrase? At-tuffahu fakihatun ladidatun. Si j'enlève ladida, est-ce que ça apporte une chose sur le... Non, ça apporte pas. Un fruit, tu vois. Donc, il y en a le fait qu'on a pu supprimer, ça nous prouve que quoi? Que c'est pas un khabar. Que c'est un qualificatif. On avait dit son deux. Peut-être khabar et adjectif. Si jamais tu ramènes là toute la phrase là. Parce que là, quand on a dit ça, on fait tout faire. Je veux dire, pas dans celui-là. Le fait que tu puisses dire les deux, là, comme ça, non, taïb. Là, on parle de toute la phrase. Sans enlever, on écoute tout ça. Tout faire. Voilà, qui est tout. Là, si jamais tu venais à faire toute la phrase comme ça, là, pour savoir les deux, lequel des deux, comme les khabar, la chaka, voilà, raïbafi. Enlève le dernier et tu vas voir que si jamais la phrase elle est complète, c'est que c'est clair et net que celui-là c'est un khabar. At-tufahu fakihatun. T'as un chèque sur les deux, enlève le dernier. Si t'as la capacité d'enlever le dernier, c'est que c'est quoi? Le premier c'est un mubtada et le deuxième c'est une sifra. Le premier c'est un khabar, hein, et le deuxième c'est une sifra. Alors après il y avait quoi? Vous avez compris là? Jumla? C'est quoi déjà là? Wa huwa fil jumla? Wa huwa fil jumlati? Yani il est dans la phrase, dans les phrases. Ou Jumal, on a dit dire Fadla, c'est-à-dire une chose que tu peux supprimer. Fadla, c'est une chose que tu peux supprimer. Suppléant. T'as même Suppléant. T'as même La dernière chose, la deuxième chose qu'on a vue, nous s'en vont. C'était Kaslan. Kaslan, t'as même Qui dit paresseux. Kaslan. Pourquoi Yanni ne prend pas de dame maintenant là? C'est à partir du moment où le mot. À partir de ce moment, que ce mot-là, il a été rajouté un alif. Donc l'alif. L'alif. L'alif. Ou un noun. Donc il faut que les deux soient ajoutés. À partir du moment qu'elles ont, elles ont été rajoutées, alif ou un noun. Et que c'est une sifa. À partir du moment que ça a été ajouté, khalas. Ne prends pas de tel. Parce que maintenant, kaslan, ça vient de Hoka. Ça vient de Kassala. Il faut que le alif ou non soit ajouté. Lorsque tu veux le qualifier, tu peux le rajouter quoi? Alif ou non. C'est pas toute chose que tu veux qualifier, tu rajoutes alif ou non. Lakin, il y a des choses, lorsque tu qualifies, ils prennent un alif et un non. En vérité, là, ce truc-là, il faut que vous compreniez. C'est la même chose que Radban. Radban. Vous dire quelqu'un, il est énervé. Aslan c'est radabi, radiba. Radban c'est radiba. Là j'ai rajouté alif ou non. Yani cette expression. Énervé. Radiba. C'est pas comme maradou. La mardoub, c'est celui qui a encouru la colère. Encouru la colère. La malghadib, c'est celui qui a. Ah. Tam, ghadban, c'est la même chose qu'avec aslan. Il a été rajouté alif ou non. Tam, pour caractériser une chose. Tam. Ça fait sifa. Si jamais elle est ajoutée avec le alif ou non, lorsqu'il y a un qualificatif avec lequel la terminaison se finit par alif ou non, et c'est que alif ou non il a été ajouté, c'est-à-dire ajouté à la racine. Vous comprenez ce que là? C'est-à-dire que c'est quoi là? Il faut que pour, c'est quoi les règles jusqu'à ce qu'il y en ait pour qu'elle prenne pas de tanwin? Parce qu'elle prend pas de tanwin. Il faut que awalan ce mot-là il soit un qualificatif. C'est fin. Deuxièmement, il y a un truc qui t'informe avec, ou bien tu, quand je dis qualificatif, avant, une chose sur laquelle tu peux apporter une information. C'est-à-dire que ce soit un sifa ou un art. Un art ou un khabar. Il faut que ce mot-là, là, il a sa racine, on lui a ajouté alif ou non. Al-asl dans radban ou kaslan, c'est kasala. Ou là, c'est radiba. Maintenant, tu vas prendre. Et ça, dans l'aura, Matalan, Radban, c'est celui qui est narme. Pour Radban et Kaslan, tu peux dire Matalan, un Radb, Hada Charson Radb, qui est énervé. Lakin Hada, c'est plus fort. Ça veut dire qu'en gros, il est rempli de colère. Voilà, ça me séparatif. Il est rempli de colère. Lorsque tu dis Hada Radb, ou Hada Radban, Radban, il est beaucoup plus énervé que. Sa colère elle est beaucoup plus grande que celui qui est rare. Et Kaslan, tu veux dire que Kaslan, c'est ça. Je ne dis pas Kassoul. Tu veux dire Kadalika Kassoul aussi, Kadalika, on va le voir, vous allez voir, ça apporte un sens. Mais le fait que tu dis Matlan Kaslan, c'est que vraiment, c'est quelqu'un de très paresseux. Il est rempli de paresse. Aslan, Kaslan, c'est. Comme Ar-Rahman. Ils disent Ar-Rahman, c'est quoi? C'est pour dire que c'est la personne qui est remplie d'Ar-Rahman. Toi qui traduis très miséricordieux, je peux comment dire. Kaslan, c'est quoi le asl? Kasala. Hada rajulun ghadbanu. Laisse ta parole, ghadbanu. Ghadbanu. On va lire un peu des exercices à l'oral et le reste, ce sera à l'écrit. On va regarder s'il n'y a pas un nom. De toute façon, parce que le son, je crois, est divisé en deux. Il fait qu'ils ont mes petites. Elle est longue, celle-là. Et maintenant, Hachan, Johan. تمام الآن كل هذه الأشياء عطشان وكي كان كي أصوفي عطشان تبدو شخص عاطش إلى عاطش يعني إلى الأصوف لكن عطشان لا إلى هم أصوف كسلان كذلك جوعان لا إلى هم إلى هم أصوف شبعان يخصى زيد المهم يخصى زيد لكم يفوف donc là vous dites quoi اقرأ واكتب vas-y chacun lit une phrase vous tournez Le numéro 48, le premier exercice. Mahmoud Mohamed. Mohamed Ash. Talibun. Mohamedun Talibun. Ah, j'ai oublié de vous dire. Al-Na'at, il s'accorde en tout. On joue un. Inat, il s'accorde en genre et nombre. Mais en tout, aussi qu'il soit défini ou indéfini. Dans tout. Il le suit dans toutes ces choses. Au différent de quoi? Du khabar. Al khabar, il ne suit pas dans la. Si le mubtada est défini, le khabar n'est pas forcément défini. Mohammedun Jalisun. Il est défini? Jalisun? Non, il n'est pas défini. Le khabar n'est pas forcément défini. Amma al-mubtada, le na'at, il doit être défini. S'il met le man'oud, c'est-à-dire celui qui doit qualifier, il est défini, il sera défini. S'il est indéfini, il est indéfini. S'il est marfou, il sera marfou. S'il est majrour, il sera majrour. S'il est barthofi comme féminin, féminin. Donc le man'oud, c'est le mubtada. Non, pas forcément. Aywa, comme on avait dit la langue. Avec le tuffah, maintenant. Tuffahu fa'akihatun laïda. Donc il s'accorde en tout. En toutes choses. Le différent du khabar. Le khabar, il ne s'accorde pas avec indéfini ou indéfini. Si le mubtada est défini, le khabar est indéfini. Mohammedun Jalisun. Talibun. Talibun. Qadimun. Il y a aussi, c'est un nadir. Ah, ça m'a. Pour la kasra. faut rallonger le son de la question. Qu'est-ce qu'il y a? I. Qadimun. Vas-y, attends. Qadim, c'était quoi en français? Ancien. Il est monté au Khabar le Nath. Deuxième. Deuxième. Ar-Rajulu, c'est le père. Mudarrisu, c'est le Khabar. Et Jadid, c'est Itba'a Khabar. Inch'Allah, on va le voir. Mais ça, c'est parce que c'est... vous ne connaissez pas ça. Mais Al-Mubtada, c'est Thalika. Hein? Il est défini, Rajulu, c'est pour ça que j'ai dit. Et l'autre, c'est un tabir. C'est comme si je disais, Edalika Mudarrisun Jadidu. L'autre, on vous allez voir plus tard, Inch'Allah. C'est un bedel. On lui dit. Tu vois ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ceci est un cœur. Au secours, est simple. Abbasun Tajirun Shahiri. Shahiri ? Shahiri. Shahirun. Pourquoi tu as dit Shahirin ? C'est quoi Shahir ? C'est célèbre. Un célèbre commerçant. Donc Abbas al-Mubtada, Tajir al-Khabar, ou Jahir al-Khabar al-Sifa. Sifa de quoi, si jamais je dis Sifa? Sifa de? Si c'est Sifa de attends, de Men'ud. C'est quoi le Men'ud? Tajir. C'est Tajir. Pourquoi? Pourquoi c'est la Sifa du de Tajir et c'est pas la Sifa d'Abbas? Parce que dans le ma'na. Non, déjà, Awalan, si jamais ça aurait été, si jamais ça aurait été Abbas, qui est Man'ud, il était Abbas, les noms propres, ça fait partie des choses définies. Donc, obligé que Yanni Shahir, il aurait été défini aussi. Si jamais vraiment ça aurait été la sifa. Il aurait dit Abbas, un tajirun, al-Shahir. Al-Shahir, plutôt. Si jamais vraiment, Shahir, ça aurait été la sifa de Abbas, mais ce n'est pas le cas. Donc, le fait qu'ils n'ont pas mis le ten. Ça peut être deux khabar ou bien Shahir, c'est la sifa de Tajir. C'est un commerçant. Est-ce que c'est un commerçant qui est inconnu, qui est méconnu? Non, c'est un commerçant connu. C'est la sifat de Tajir, qui lui-même est un khabar de Abbas. Si c'est un khabar, est-ce que ça aurait pu être une sifat de Abbas, Shahir? Non, comme on a dit, parce que si jamais ça aurait été le cas, la bouddha qui rentre l'alif al-lam. Pourquoi? L'al, pourquoi? Parce que Abbas il est défini, et donc comme on a dit, le na'at, il faut qu'il soit défini si jamais le man'ut est défini. Si, mafour, si, il suit dans toute chose. Ghaliban. Le as, parce que le as, c'est que il est défini. On va le voir, c'est pas. Il est indéfini, je veux dire. Il y a des cas d'exception. T'as vu, après, il y avait quoi? Vas-y, la suite. Bilal Muhandis Kabir. Oui, on va faire tout ça. Bilalin, Bilalun. Muhandisin, Muhandisun. Muhandisi, Muhandisu. Moi, je veux que tu prononces avec science. Bilalun, parce que tu sais que c'est un mubtada. Et le mubtada, il est mal fort. T'as Muhandisun, tu dis. كبير. ايوه. يبقى مبتدا الخبر عليه الصفه. مبتدا بلال الخبر المهندس. اه مهندس بس كنت بدي بلال مهندس كم تي بودير aussi بلال كبير. كبير. سي دو خبر. Mais là c'est un sifa parce que il apporte là sifa sur l'autre. C'est la sifa du mohandis. Vas-y. C'est quoi ça? L'anglais. La langue anglaise. L'anglais, c'est une langue. L'inglésia. Regardez le vocabulaire. Il dit Al-Kalimat al-Jadida, Al-Lura. Donc la Lura, c'est la langue. T'aimes la langue, mais c'est pas la langue. De partie quoi, mais de la partie humaine, toi. La langue, si c'est pas l'islam. L'islam, c'est une chose, la langue, c'est l'islam. Là, c'est écrit tout, là. Shahirun, c'est quoi? C'est célèbre. Al-Madina, c'est la ville. Al-Ta'ira, c'est l'oiseau. Al-Ta'ira, bitte marbouta la fin, c'est l'avion. Et c'est quoi l'avion? Al-Ta'ira. Akita marbouta la fin. Al-Yoma. Al-Yoma, c'est le jour. Kaslanu, c'est qu'un de très paresseux. Du'anum, c'est quelqu'un qui a très faim. At-shanu, c'est quelqu'un qui a très soif. Mal-anu, c'est une chose qui est bien remplie. Du'anu, ghadban, c'est énervé, très énervé même.